Chapitre 4. On allait en avoir fini avec la longue saison des pluies. Les signes précurseurs du printemps étaient visibles dans les bourgeons gonflés, les torrents impétueux. Les forêts de pins exhalaient leurs pénétrants arômes. Les azalées étaient déjà en bouton, les cyanodes préparaient leur livrée lilas. Sur le plateau verdoyant du côté sud de la montagne rouge, les longs épis d'aconite, jaillissant d'un large feuillage, secouaient de nouveau leurs clochettes bleu noir. De nouveau, la petite vague de terrain soulevée sur la tombe de Smith devint verte et brillante, frangée sur la crête d'une écume de pâquerettes et de boutons d'or. Le petit cimetière avait recueilli quelques hôtes de plus dans l'année qui venait de s'écouler, et les tombes s'alignaient deux par deux le long de la palissade jusqu'aux environs de la tombe de Smith, qui, elle, s'élevait isolée. Une superstition générale avait fait éviter ce voisinage et le gazon auprès de Smith ne recouvrait personne. Nombre d'affiches avaient informé la ville qu'une troupe dramatique célèbre allait représenter pendant quelques jours une série de farces brillantes à crever de rire, avec lesquelles alternait agréablement un mélodrame et un grand divertissement de chant, de danse, etc. Ces affiches firent sensation et furent pour les enfants de l'école l'objet d'ambitieuses espérances. Le maître avait promis à Emlis, qui considérait ce genre de plaisir comme rare et sacré, qu'elle irait avec lui, et la fameuse soirée trouva le maître et Emlis parmi le public. Le jeu des acteurs était le triomphe même de la médiocrité. Le mélodrame n'était pas assez mauvais pour faire rire, ni assez bon pour intéresser. Mais le maître, se tournant vers l'enfant, fut étonné et comme honteux de lui-même en constatant l'effet extraordinaire que produisait sur cette nature impressionnable ce qui lui semblait fastidieux. À chaque battement de son petit cœur qui haletait, le sang lui montait aux joues, ses lèvres minces et passionnées étaient entr'ouvertes par la respiration rapide, ses yeux dilatés, ses sourcils noirs contractés. Elle ne riait pas des lourdes plaisanteries du bouffon, car Emlis riait rarement. Elle ne recourut pas non plus à son mouchoir, comme la tendre Clitie, qui, tout en s'essuyant discrètement les yeux, causait avec ses compagnes et lorgnait le maître à la dérobée. Mais quand la pièce fut achevée, que le rideau vert tomba, Emlis reprit son souffle et, regardant le maître avec un sourire qui demandait pardon à demi d'un petit geste de lassitude, « Ramenez-moi à la maison, » dit-elle. Ses paupières brunes retombèrent comme si elle eût voulu rester en imagination sur la scène. Chemin faisant, le maître jugea convenable de ridiculiser toute la représentation. « Croyez-vous, » demanda-t-il gaiement à Emlis, « croyez-vous en vérité que la demoiselle qui joue si bien soit sérieusement amoureuse du monsieur qui porte de si beaux habits? Si elle l'aime tout de bon, elle est bien à plaindre. « Pourquoi ? » dit Emlis en levant les yeux avec vivacité. « Mais parce qu'il ne pourra faire vivre sa femme avec le peu qu'il gagne et payer tant par semaine en outre pour ses beaux habits. Et puis, il aurait des appointements moins considérables, comme Jean marié que comme amoureux, en admettant, » ajouta le maître, « qu'ils ne soient pas déjà mariés chacun de son côté, car je soupçonne le mari de la jolie comtesse de vendre les billets à la porte, de lever le rideau, de moucher les chandelles ou de remplir quelque autre fonction tout aussi élégante et distinguée. Quant au jeune homme bien mis, je vous accorde que ses habits sont beaux. Ils valent bien 2,5 $, peut-être 3, sans parler de ce manteau de droguet rouge dont je sais le prix, car j'en ai acheté une fois pour ma chambre à coucher. Quant à ce jeune homme, Lissy, ce serait un bon garçon, s'il ne buvait pas trop volontiers. Les gens ne devraient point abuser de cela pour lui pocher les yeux et le jeter dans la boue comme on l'a fait l'autre soir à Wingdam. N'êtes-vous pas de mon ami, Lissy ? Il pourrait me devoir longtemps 2,5 $ sans que je le lui reproche, pauvre diable. » Emlis avait pris sa main dans les siennes et s'efforçait de regarder dans ses yeux que le jeune homme détournait obstinément. Elle avait une vague idée de l'ironie, étant susceptible elle-même à l'occasion de témoigner par ses actes et ses paroles une humeur sardonique. Mais le maître continua sur le même ton jusqu'à la porte de Madame Morpher. Il remit Emlis entre les mains de sa mère adoptive, refusa l'offre qui lui était faite de se rafraîchir, de se reposer, et abritant ses yeux de sa main pour éviter les œillades de la blonde Clytemnestre, rentra chez lui. Les 2 ou 3 jours qui suivirent l'arrivée de la troupe, Emlis fut en retard pour la classe. Elle manqua même au rendez-vous que lui avait donné le maître pour leur excursion habituelle dans l'après-midi du vendredi, ce qui fut cause que le maître ne sortit pas. comme il rangeait ses livres avant de quitter l'école, une petite voix bégaya sous son coude. « S'il vous plaît, monsieur !» Le maître se retourna et se trouva en face d'Aristide Morpheur. « Eh bien, mon petit homme » demanda-t-il avec impatience. « Qu'y a-t-il encore ? Dis vite !»« S'il vous plaît, monsieur, moi et Kurg, nous croyons qu'Emlis va encore se sauver. »« Qu'est-ce que cela signifie, monsieur ?» dit le maître avec cette injuste irritation qui retombe toujours sur le porteur d'une nouvelle désagréable. « Dame, monsieur, elle ne reste plus jamais à la maison, et Kurg et moi, nous la voyons causer avec un de ses acteurs. Tenez, ils sont encore ensemble maintenant. Et s'il vous plaît, monsieur, elle a dit à Kurg et à moi hier qu'elle pouvait déclamer tout aussi bien que Mademoiselle Célestine Montmorency. C'est vrai, elle nous a répété tout son discours par cœur. » Le petit s'arrêta, effaré. « Quel acteur ? » avait crié le maître. « Celui qui a le chapeau si luisant, et des cheveux, et l'épingle d'or, et la chaîne d'or. » dit Aristide le Juste, mettant des points à la place des virgules pour reprendre haleine. Le maître saisit ses gants, son chapeau, et s'élança dehors. Il éprouvait un sentiment de strangulation désagréable. Aristide le suivait sur la route, trottant à ses côtés et réussissant mal à mettre ses jambes courtes d'accord avec les grands pas du jeune homme, lorsque tout à coup celui-ci s'arrêta, ce qui fit qu'Aristide vint se cogner contre lui. « Où causait-il ? » demanda le maître, comme s'il eût continué la conversation. « À l'arcade. » Dans la grande rue, le maître s'arrêta encore. « Cours chez toi, » dit-il au petit garçon. « Si Emlis y est, viens me le dire à l'arcade. Cours !» Et Aristide, aux jambes courtes, se remit à trotter. L'arcade était juste de l'autre côté de la rue. On nommait ainsi un long bâtiment irrégulier, renfermant un comptoir, un billard et un restaurant. Le jeune maître, en traversant la place, s'aperçut que deux ou trois passants se retournaient pour l'observer. Il rajusta ses vêtements et s'essuya le visage avant d'entrer dans la salle du comptoir. Il y avait le nombre ordinaire de flâneurs qui le regardèrent ébahis, l'un d'eux si fixement, avec une expression si étrange, qu'il s'arrêta. Ce n'était que le reflet de lui-même dans une grande glace. Ceci lui fit penser qu'il était peut-être un peu surexcité. Aussi, prenant un numéro du drapeau de la Montagne Rouge, il s'efforça de se calmer en lisant la colonne des annonces. Puis il traversa le restaurant et entra dans la salle de billard. L'enfant n'y était pas, mais un homme se tenait auprès d'une des tables, un chapeau de toile cirée à large bord sur la tête. Le maître le reconnut pour le directeur de la troupe. Il l'avait pris en aversion à première vue sur sa façon particulière de porter la barbe et les cheveux. Content de s'être assuré que l'objet de sa recherche n'était pas là, il se tourna vers l'homme au chapeau ciré. Ce dernier, bien qu'il eût vu le maître, feignit d'ignorer sa présence, jeu qui réussit rarement aux gens vulgaires. Une queue de billard à la main, il visa attentivement une bille placée au milieu de la table. Le maître resta en face de lui jusqu'à ce qu'il leva les yeux. Lorsque le regard se fut rencontré, il l'aborda. Son intention avait été d'éviter les scènes et les querelles. Dès qu'il eut commencé à parler, sa gorge se serra de plus en plus, au point que les mots sortaient avec peine et que sa propre voix l'effrayait, tant elle paraissait être basse, lointaine et vibrante, cependant. « Je sais, commença-t-il, que Emily Smith, une orpheline, une de mes élèves, s'est entretenue avec vous du projet d'adopter votre profession. Est-ce vrai ?» L'homme au chapeau ciré se pencha de nouveau sur le billard et donna un vigoureux coup de queue qui envoyait la bille rouler à tous les coins, puis fit le tour de la table, alla chercher cette bille et la remit à la même place. Ceci fait, il reprit sa première position et répondit « Supposons que ça soit. » Le maître se sentit étouffé de nouveau, mais serrant la bande du billard de sa main gantée, il continua. « Si vous êtes homme d'honneur, je n'ai qu'un mot à vous dire, je suis son tuteur et responsable de son avenir. Vous connaissez aussi bien que moi les dangers du genre de vie que vous lui offrez. Tout le monde ici pourra vous dire que je l'ai déjà arraché une fois à une existence pire que la mort, que je l'ai prise au bout de la rue et du vice. Je vais essayer de recommencer. Allons, raisonnons comme des hommes. Elle n'a ni père, ni mère, ni frère, ni sœur. Lui donnerez-vous l'équivalent ?» L'homme au chapeau ciré examina le bout de la queue qu'il tenait, puis chercha autour de la chambre quelqu'un qui pût rire avec lui de cette bonne plaisanterie. « Je sais que c'est une fille bizarre et obstinée, » continua le maître, « mais elle est devenue meilleure qu'elle n'était. Je crois que j'ai encore quelque influence sur elle. J'espère par conséquent que vous n'irez pas plus loin dans cette affaire. J'adjure l'homme, le gentleman, de me la laisser. Je ne demande pas mieux que... » Quelque chose qui lui montait de réchef violemment dans la gorge l'empêcha d'achever sa phrase. L'homme au chapeau ciré, se méprenant sur son silence, leva la tête avec un brutal éclat de rire et dit tout haut « Vous la voulez pour vous tout seul, n'est-ce pas ? Ça ne prend pas ici, mon garçon. » L'insulte était dans le ton plus que dans les paroles, dans le regard plus que dans le ton, et dans la personne de l'homme plus que dans tout le reste. La rhétorique que ce genre d'animal apprécie le mieux est un coup de poing. Le maître le comprit, et sa force nerveuse, longtemps contenue, se soulagea dans cet acte. Il frappa le visage qui ricanait devant lui. Le coup envoya le chapeau ciré d'un côté, la queue de l'autre, et déchira le gant du maître avec la peau de la main. La bouche de la brute qui l'insultait fut déchirée aussi aux deux coins, ce qui gâta pour longtemps la forme particulière de sa barbe. Il y eut un cri, une imprécation, une lutte, puis le trépignement d'un grand nombre de pieds. La foule avait fait irruption dans le billard, se partageant à droite et à gauche, et deux détonations se succédèrent rapidement. La foule s'était précipitée autour de son adversaire, et le maître se trouva seul, ramassant de la main gauche sur la manche de son habit des morceaux de bourre enflammés. Quelqu'un lui tenait l'autre main. Il la regarda stupidement et vit qu'elle saignait. Ses doigts étaient serrés autour du manche d'un couteau. Où, comment il avait pris ce couteau, il n'en savait rien. L'individu qui tenait sa main sanglante était M. Morpheur. Il entraîna le maître jusqu'à la porte, mais le maître résistait et essayait de prononcer autant que le lui permettait la sécheresse de son gosier brûlant le nom de Emlis. « Tout va bien, mon garçon, » dit M. Morpheur. « Elle est chez nous. » Ils descendirent la rue ensemble. Tout en marchant, M. Morpheur lui apprit que Emlis était accouru et soufflé à la maison et l'avait averti qu'on tuait le maître à l'arcade. Désirant rester seul, le maître promit à M. Morpheur, pour se débarrasser de lui, qu'il ne chercherait pas à rencontrer de nouveau son adversaire cette nuit-là et reprit le chemin de l'école. À sa grande surprise, il s'aperçut en approchant que la porte était ouverte. Sa surprise redoubla lorsqu'il vit Emlis assise dans un coin. Le caractère du maître, on l'a déjà compris, avait, comme la plupart des organisations d'une excessive susceptibilité, l'égoïsme pour base. Le souvenir de l'injure qui lui avait été jetée à la face s'envenimait dans son cœur. Il était donc possible qu'on interprétât ainsi son affection pour un enfant. En tout cas, il était coupable de donquichottisme, il était ridicule. D'ailleurs, ne renonçait-elle pas volontairement à cette affection? Ne bravait-elle pas son autorité? Tout le monde l'avait mise en garde contre elle. Seul, il avait combattu l'opinion générale, et maintenant il était obligé de confesser tacitement la justesse de ce qu'on lui avait prédit. Grâce à elle, il en était venu aux mains dans un cabaret avec un coquin de bas étage. Il avait risqué sa vie pour prouver quoi? Qu'avait-il prouvé? Rien. Que dirait le monde? Que diraient ses amis? Que dirait Max Nagley? Comme il s'accusait ainsi, la dernière personne qu'il eût voulu rencontrer était certainement Emlis. Entrant dans la chambre, il s'assit à son pupitre et déclara en quelques mots froids et rapides qu'il avait à faire, qu'il souhaitait qu'on le laissât seul. Lorsqu'elle se leva, il prit la chaise qu'elle venait de quitter, s'assit à son tour et cacha son front dans ses mains. Quand il releva la tête, elle était encore là, debout, l'observant, anxieuse. « L'avez-vous tué ? » demanda-t-elle. « Non. » « Je vous avais donné le couteau pour cela, » s'écria l'enfant avec animation. « Vous m'avez donné le couteau ? » répéta le maître abasourdi. « Oui, je vous l'ai donné. J'étais caché sous le comptoir. Je vous ai vu le frapper. Je vous ai vu tomber tous les deux. Son couteau lui avait échappé. Je vous l'ai donné. Pourquoi ne l'avez-vous pas piqué ?» dit Emlis avec un clignement d'œil expressif et en brandissant sa petite main. Le maître se taisait, atterré. « Oui, » continua Emlis, « si vous m'aviez questionné, je vous aurais dit que je partais avec les comédiens. Et pourquoi était-ce que je partais avec les comédiens ? Parce que vous ne m'aviez pas dit que vous vous en alliez, mais je le savais. Je vous l'avais entendu dire au docteur. » Et je n'allais pas rester ici seul avec les morpheurs, vous pensez bien, je mourrais d'abord. » D'un geste dramatique qui était parfaitement dans le rôle, elle tira de son sein quelques feuilles vertes flétries et les tenant à bras tendus, de la façon précipitée qui lui était propre, avec la prononciation originale de sa première enfance, dans laquelle, au moment d'exaspération, elle retombait toujours. « Voilà le poison qui fait mourir, vous me l'avez dit. J'irai avec les comédiens où je mangerai ces feuilles et je mourrai ici, l'un ou l'autre, cela m'est égal. Je ne resterai pas où l'on me hait, où l'on me méprise. Et vous ne me laisseriez pas derrière vous, si vous ne me haïssiez, si vous ne me méprisiez pas aussi. » Sa poitrine se soulevait avec fureur, et deux larmes tremblaient au bord de ses cils, mais elle les chassa du coin de son tablier comme si elles eussent été des guêpes. « Si vous m'enfermez en prison, » dit Emlis de plus en plus farouche, « pour m'éloigner des comédiens, je m'empoisonnerai. Mon père s'est bien tué, j'en ferai autant. Vous m'avez assuré qu'une bouchée de cette racine était mortelle, et j'en porte toujours sur moi, » dit-elle en frappant sur sa poitrine de son poing fermé. Le maître pensa une seconde à certaines places vides près de la tombe de Smith, et à ce que deviendrait ce petit être frémissant de passion. Saisissant ses deux mains dans les siennes, et la regardant au plus profond de ses yeux qui ne mentaient jamais, il dit « Lissy, veux-tu partir avec moi ?» L'enfant passa ses bras autour de son cou et répondit joyeusement « Oui, mais tout de suite, cette nuit. » La main dans la main, ils suivirent la route, le chemin étroit qui une fois l'avait amené si lasse à la porte du maître, et que, semblait-il, elle ne devait plus fouler seule. Les étoiles étincelaient au-dessus de leur tête, que ce fût pour le mal ou pour le bien, la leçon avait été apprise, et derrière eux, l'école de la Montagne Rouge se ferma sur les fugitifs à tout jamais. Ainsi s'achève Emlis par Bret Harte.